Doubidoubidou. Doubidoubidou, tu es mon soleil. Doubidoubidou, c'est toi ma merveille. Doubidoubidou, est-ce que tu ressens la même chose que moi? Oh yeah. Doubidoubidou, tu es comme une fleur. Doubidoubidou, t'es mon grand bonheur. Doubidoubidou, tu sais, tu es la seule que j'aime autant. Doubidoubidou, doubidoubidou, doubidoubidou, est-ce que ça te fait comme moi? Doubidoubidou, doubidoubidou, cette chanson est seulement pour. Battre mon cœur amoureux. Et des fois, quand je suis seule, je pense.